Vous êtes à l'écoute de Futur Simple sur CKRL 89.1 avec Valérie Levé et Marie-Claude Dionne. Et nous innovons ce soir en vous proposant un thème rarement abordé à Futur Simple, celui de l'urbanisme. Un thème bien concret pour les citadins que nous sommes, pour la plupart d'entre nous. Et un thème encore plus concret car il va être question d'un quartier tout près de chez vous. Le réaménagement, en tout cas tout près de la station de radio, le réaménagement de l'autoroute Laurentienne entre le boulevard Hamel et la rivière Saint-Charles. Alors ce projet de réaménagement a fait l'objet d'un projet d'étude des étudiants candidats à la maîtrise en architecture de l'école d'architecture de l'Université Laval. Deux de ces étudiants, Maxime Tremblay et Florence Côté, sont ici pour nous le présenter. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais que vous présentiez d'abord le contexte, en fait. Comment le ou la professeur, je ne sais pas comment ça se passe, vous présente le projet et combien vous êtes pour travailler? Est-ce que c'est tous ensemble dans la classe, tous les étudiants? Est-ce que c'est par petits groupes? Comment ça se passe? Ouais, ben en fait, on était dans le groupe de Éric Rivard en design urbain pour l'atelier d'automne. Puis on est un atelier de 14 étudiants. On était divisé en 7 étudiants pour deux projets. Il y avait le projet de l'autoroute Laurentienne, la conversion en boulevard urbain. Puis il y avait également la rue de l'Aqueduc qui était 7 étudiants. Donc on était deux équipes par projet en fait. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, donc, votre professeur, Éric Rivard? Il vous a dit... qu'est-ce qu'il vous a donné comme consigne? Bien, en fait, l'exercice commence où il nous fait un petit topo de ce que chaque projet de réaménagement... ce à quoi chaque projet de réaménagement ressemble, les défis qui y sont liés. Et ensuite, c'était à chaque étudiant d'aller voir sur le terrain, de noter, en fait, quels étaient ses défis, puis quels étaient les concepts qui allaient pouvoir être mis en jeu, puis de retour à l'atelier, puisque ça fonctionne comme un laboratoire, c'est un atelier, on travaille tous ensemble. Le choix devait être fait, puis je vais parler pour Florence et moi. Le défi de l'autoroute Laurentienne, on le trouve intéressant parce que c'est très actuel, et puis c'est pour ça qu'on s'est plongé là-dedans, parce que bon, le territoire de la ville de Québec est marqué par ces cicatrices autoroutières-là, mais ça occasionne beaucoup de problèmes à l'échelle urbanistique, puis avec les défis qu'on s'est donnés, ben ça cadrait assez bien, je crois. Ces deux projets-là, ils étaient vraiment à jour au niveau de la ville de Québec. Là, c'est deux axes forts qu'on sont en train de parler de réaménager pour les rues conviviales. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là. Et là, donc, ça se faisait pas en une journée, si je comprends. Ça s'est étalé sur... Ouais, c'est ça. C'était sur deux mois et demi, trois mois-là, de septembre à... De septembre à décembre. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous circonscrire un petit peu mieux le périmètre là, que vous étudiez? J'ai dit vaguement du boulevard Hamel à la rivière, mais plus exactement, en fait. Bien, on était deux équipes. Donc, il y avait une équipe qui travaillait de la portion de Saint-Roch jusqu'à la rivière Saint-Charles. Puis nous, notre équipe de quatre, on était de la rivière Saint-Charles jusqu'à la rue Soumande. Okay. Donc, en termes d'est en ouest, on était vraiment de Stadacona jusqu'à l'avenue Soumande, la fruiterie 440, là, juste pour dire comme ça. Là, ouais. Donc, pourquoi est-ce qu'il faudrait réaménager ce quartier? Quels sont les problèmes? Quels sont les défis? Qu'est-ce qui cloche autour de cette autoroute? C'est sûr qu'on a réussi à identifier plusieurs problématiques, mais celle qui saute aux yeux, c'est qu'il y a plusieurs identités qui sont, disons, circonscrites, puis qui ne se parlent pas entre elles. T'sais, on parle, il y a le centre commercial Place Fleur-de-Lys qui attire beaucoup de personnes, mais par rapport à ce qui se passe autour, il reste un peu isolé. Même chose pour le centre Vidéotron, il attire beaucoup de personnes, mais de façon très périodique. Donc, le soir, lorsqu'il y a de grands événements, mais la journée, il rayonne pas assez. Désert, même chose pour les quartiers qui sont autour. Florence parlait de Stadacona, qui est dans le vieux Limoilou. Sinon, il y a ce qu'on appelle l'îlot Bourdage, qui est en fait le quartier résidentiel qui se trouve à l'ouest de l'autoroute Laurentienne, mais ces deux quartiers-là ensemble, ils peuvent pas se parler parce qu'ils sont séparés en fait par cette autoroute-là qui permet pas du tout aux usagers de transiter, donc de traverser. C'est pas du tout perméable finalement d'un bord et de l'autre, et il y a ces espèces de quartiers qui sont, comme vous dites, des quartiers monofonctionnels, je pense, c'est ça, donc on y va magasiner, mais c'est tout ce qui s'y passe. Exact. Ben, en fait, toutes les fonctions se parlent pas entre elles. On a une autoroute avec ses bretelles autoroutières qui prennent énormément de place, on a des marées de stationnement, on a des clôtures frost qui donnent sur des quartiers, donc c'est vraiment un gros mélange d'éléments vraiment pas agréables pour qui créent beaucoup d'embûches. En fait, c'est des barrières urbaines pour un piéton ou c'est un cycliste. J'aimerais que vous exprimiez un petit peu, parce que en fait, on comprend là, il y a des quartiers qui ne se parlent pas entre eux, mais en quoi est-ce que c'est dérangeant qu'ils ne se parlent pas? Est-ce que ça nuit au fonctionnement de la de la ville. Est-ce que c'est juste une question d'esthétisme? Quels sont les problèmes avec ces... Ben, en soi, c'est un quartier qui... Bon, l'usager du quotidien pourrait dire qu'il fonctionne parce qu'on va on va pour faire ce qu'on a à y faire, mais au final, quand je parlais du centre Vidéotron, par exemple, qui ne rayonne que lorsqu'il y a un événement, ben c'est problématique parce qu'on a investi des fonds hallucinants, puis lorsqu'il n'y a pas d'événement, ben tout cet espace-là est complètement désert, c'est des marais de stationnement, et puis la ville... est toujours en expansion. On pense au schéma d'aménagement qui, d'ici 2036 ou d'ici 20 ans, devra accueillir 28 000 nouveaux ménages. Mm-hmm. Donc, 28 000 nouveaux ménages, c'est 28 000 nouvelles familles. Ça veut dire, disons, 50 000 personnes environ. Mm-hmm. Et puis, ces gens-là, on va les loger où? Ben, on est toujours en train de repousser les barrières de périurbanisation. Mm-hmm. Dans notre projet, on fait un clin d'œil au Terre des Sœurs de la Charité. Qui ont une valeur patrimoniale assez forte et puis qui sont ciblés par un projet potentiel de développement où on pourrait y construire un nouveau quartier qui pourrait être intéressant sous certains aspects, mais il faut penser qu'il ne sera pas connecté aux armatures de la ville, donc qu'il ne sera pas nécessairement bien desservi par un réseau de transport en commun. Les gens vont être encore dépendants de leur voiture, puis il ne sera pas non plus connecté à tous les services que la ville offre. Mmh. Donc, le pari qu'on a apporté, c'est regardons cet espace-là qui est sous-utilisé ou utilisé par moment, tu sais, comme on disait, très ponctuel, et voir si on peut en faire un ensemble qui est plus cohérent, puis qui permet une utilisation qui plus optimale de cet espace-là, voilà. Au lieu d'aller s'étaler à l'extérieur sur des terres agricoles, par exemple. Qu'à l'heure actuelle, dans le secteur, c'est la voiture qui prédomine. Donc, les gens, ils traversent l'espace d'est en ouest, de nord au sud, avec l'autoroute et le boulevard Amel, puis ils restent jamais sur place, à moins de faire les emplettes à Friedrich à 40 encore, là, comme exemple, parce que c'est l'endroit par excellence. Mmh. Donc là, c'était ça, votre objectif, c'est de le rendre plus cohérent. Est-ce que c'était la consigne de votre professeur ou c'était vous qui vous étiez donné cette consigne-là? Bonne question. Ben, en fait, je pense que c'est venu avec le travail. On s'est donné le défi de OK, combien de logements pourraient rentrer là, puis voulait atteindre le 6500. Puis on était proche, je pense qu'on était comme à 6000, plus les 1000 déjà existants. Mais l'idée de rendre le quartier plus cohérent, qui communique mieux d'un sous-quartier à l'autre, ça c'était c'était notre prémisse. Là, okay, Donc comment on fait maintenant? Bon, on voit le territoire, on voit l'état des lieux actuels à peu près. Puis on veut arriver vers tel objectif, comment on fait? est-ce qu'il y a une démarche précise? Ben, c'est sûr une démarche? Si on y va par chronologique, on a commencé à aller voir sur le terrain, bon, comment ça se passait. On rencontrait certains usagers. On peut pas nécessairement dire des résidents, parce que des personnes qui habitent là, comme on l'a mentionné, il y en a pas beaucoup. Fait qu'on s'est positionné à des endroits stratégiques, donc près du Parc Victoria, là où il y a le Stade des Capitales, près du... le parc Jean-Bélivaux. Ouais, voilà le centre d'achat. Puis on demandait aux gens, mais comment vous percevez cet endroit, comment vous êtes rendu, puis quelles sont vos motivations, disons, à y être. Puis est-ce que vous y êtes sur une base quotidienne, régulière, ou de passage? C'est ça, de passage seulement. Donc un peu un profil de l'usage de ces lieux par les différentes personnes qu'on y rencontre. Oui. D'accord. Est-ce qu'il faut aussi faire une étude un peu plus approfondie, je sais pas, sur les artères, vous avez parlé de la démographie, mais en fait, il y a combien de personnes qui vivent dans ce coin-là, le type de logement qu'on y trouve, les typologies, le type de logement qu'on y retrouve, les espaces verts, je vois dans vos documents, il y a un ruisseau. D'ailleurs, votre projet s'appelle Au-delà des bretelles, le ruisseau... Le quartier Saint-Michel. Le quartier Saint-Michel, oui. Puis, il semble y avoir un ruisseau Saint-Michel. Oui, ben en fait, ça répond un peu à votre question, mais bien sûr, avant d'en arriver à un projet, puis d'avoir ces deux boulevards-là, puis tous ces réseaux de transport-là, mais il a fallu ancrer le projet dans vous l'avez dit, des nécessités. Donc, on voulait, bien entendu, faire de cet espace-là un espace plus cohérent, puis qui allait devenir un milieu de vie habitable 7 jours sur 7, puis 24 heures sur 24. Mais c'est aussi de voir comment on pouvait transformer ce quartier-là, ben, en fait, cette autoroute-là, en quartier, en l'ancrant dans quelque chose qui était existant. C'est là qu'on commençait à considérer le centre commercial Place Fleur-de-Lys, qui attire des gens, mais qui est aussi identitaire, parce que on parle de ce quartier-là, mais c'est un point de repère. C'était le cas pour le centre commercial Place Fleur-de-Lys, c'est le cas aussi pour le centre Vidéotron. On est allé chercher plus loin dans des recherches historiques et voir qu'est-ce qu'il en était de la rivière Saint-Charles, de ses abords, disons pas aujourd'hui en 2018, mais avant en 1950, en 1800. Et c'est là qu'on a réalisé que les rives de la rivière Saint-Charles étaient peuplées de ces ruisseaux-là, donc qui permettaient d'alimenter la rivière, mais que malheureusement on a dû canaliser. Ils ont été canalisés à la moitié du 20e siècle parce que ce secteur-là avait une forte saveur industrielle, puis autant à ce moment-ci, c'est ce qu'ils ont jugé bon à faire. Avec l'arrivée de l'autoroute en 1960. Mm-hmm. Donc, il existe un ruisseau, oui, mais il est canalisé. Il est vraiment sous l'autoroute. Ouais. Puis vous avez été chercher aussi des informations dans les enquêtes origine-destination. Mm-hmm. Oui, exactement. Les projections démographiques, donc c'est toutes sortes de données que vous êtes allé chercher pour concevoir quelque chose qui réponde à tous ces besoins-là. Oui. D'accord. On a même regardé le débit autoroutier là, qui passe par l'autoroute, parce que c'est vraiment un enjeu aussi. Là, on parle d'environ de 60 000 débits de voitures par jour entre Soumande et Amel. Puis après le boulevard Wilfrid Amel, il y a une grande diminution. Donc, de là, le fait qu'on voulait créer un quartier que, oui, c'est un très bon milieu de vie qui raccorde les quartiers avoisinants, mais également d'avoir un axe fort en mobilité durable, mm-hmm. pour avoir tous les moyens de transport, mm-hmm. accessibles pour les gens, pas juste de rentrer en voiture dans la ville, mais de pouvoir considérer de laisser la voiture à l'entrée de ville. Donc, parce qu'on parle que l'autoroute Laurentienne, c'est quand même une très grande... c'est l'entrée de ville nord de Québec, donc... C'est un marquage important pour l'identité, mm-hmm. de la ville. Donc, je pense qu'on a pris des grandes positions par rapport à ça. Là. Ouais. Donc, comment vous avez résolu tous ces problèmes? Quelle est votre solution? En fait, on a commencé par faire toute l'étude du site avec le débit, le nombre de logements et tout. Puis, par la suite, on s'est dit, il faut faire le tracé, le nouveau tracé du boulevard. Puis là, au départ, c'était un boulevard. Mais rapidement, le boulevard s'est séparé. Mm-hmm. En fait, on a la rue de la Couronne et Dorchester. Donc, on est allé avec cette lignée-là, on les a prolongées, mm-hmm. jusque presque à Soumande, en fait. Donc, on imagine qu'entre la 40, l'autoroute de la capitale, puis la rue Soumande, il y aurait une décélération qui se produirait à ce moment-là, pour que, en franchissant la rue Soumande, le boulevard urbain commence. Mais en fait, c'est plus le boulevard, mais c'est bien les boulevards pour vraiment créer un quartier en son centre. OK. Donc, au lieu d'avoir cette autoroute laurentienne qui est comme une barrière très... infranchissable, mm-hmm. d'est en Exactement. Ouest. Donc, on aurait deux boulevards qui seraient les prolongements de Dorchester et de la Couronne. Voilà. Et des boulevards, donc, qui seraient quand même à taille humaine pour qu'on puisse les passer à travers. Il y aurait... Et qu'est-ce que vous faites avec, donc, Place Fleur-de-Lys? Est-ce que ça reste monofonctionnel? Comment vous résolvez le problème de... Oui. En fait, comme on l'a mentionné plus tôt, une partie de notre démarche... se positionnait sur les éléments existants, donc savoir qu'est-ce qu'on faisait de ces éléments-là qu'on a dit identitaires, c'est de travailler avec pour justement pas faire table rase puis construire un nouveau quartier, mm-hmm. puisqu'en fait, même au niveau de l'usager, ce serait pas nécessairement souhaitable, parce qu'il y a plus de point de repère, ce quartier-là sort de nulle part. Puis il remplit quand même une certaine fonction, quelque exact. Part. Ouais. Donc, notre pari, ça a été celui de prendre les passages intérieurs du centre commercial, puis de les extérioriser à l'image d'une allée marchande. Ah oui. Donc, ce grand îlot-là qui était complètement extérieur et complètement éclaté. Puis, on s'est aussi permis de construire en hauteur par-dessus pour accueillir des logements. Ah. Donc, avec ces stratégies-là, ça nous permettait de faire de cet îlot-là monofonctionnel, difficilement franchissable, un élément qui était plus fractionné, puis mixte, intéressant pour tout type d'usagers, mm-hmm. sur le long terme et le court terme. Donc, les commerces sont toujours là, mais on trouve des logements, peut-être des aires de repos, peut-être des mini-parcs, un petit peu, pour avoir envie de sortir aussi. Ouais. Puis facilement accessible, donc depuis le boulevard. Là. Oui, depuis le boulevard Amel, depuis la rue Soumande. Ouais. On venait créer vraiment un réseau de rues qui venait justement permettre d'avoir une plus grande perméabilité, donc aux piétons, aux cyclistes, voire même aux automobiles qu'on imaginait en moins grand nombre à cause de ce fameux service de transport plus généreux. Mais c'est ça, d'avoir un ensemble cohérent, fluide, perméable, puis surtout plus mixte. Donc, il offrait plus d'offres de commerce, de proximité, surtout parce que c'est quelque chose qui manque dans le secteur. Donc, des pharmacies, des endroits où on peut aller chercher des aliments, des épiceries, des épiceries fines, des fruiteries. Voilà. Et du côté du centre Vidéotron, qu'est-ce qui se passe? En fait, on s'est vraiment penché sur le quartier Saint-Michel entre Stade Acona et Bourdage, puis Place Fleur-de-Lys. Le centre Vidéotron, il va avoir un projet hôtelier. En fait, il y a un projet hôtelier dans l'air là, en bas du boulevard Amel, pardon. Puis nous, dans l'optique que tout ce qui était plus d'ordre régional était en amont du boulevard Amel. Donc, on repositionnait ces hôtels-là dans le secteur du centre Vidéotron, justement, pour que le secteur du centre Vidéotron et de la place Jean-Bilbao y vivent. Mm-hmm. Donc, on aménageait également une promenade de la foire, en fait, qui reliait Place Fleur-de-Lys et Place de la... l'Exposité. Par contre, par manque de temps, en fait, en 3 mois, je veux dire, c'est un énorme secteur. On parle d'au-dessus de 180 hectares à travailler. On avait réussi à rentrer au-dessus de 5000 logements. Puis, par le fait même d'amener 2 nouvelles écoles primaires. On pensait en offre de service là, une bibliothèque, un cinéma, parce que ça manque dans la ville. Donc, on avait vraiment amené beaucoup de choses. Par contre, le centre Vidéotron, ça nous a manqué de temps là, au niveau vers Limoilou. C'est phase 2. Oui, phase 2. C'était dans le plus de 30 ans. Là. Et comment est-ce qu'on... Parce que, bon, il n'y a plus l'autoroute, mais il y a quand même 2 boulevards qui doivent être quand même des axes majeurs. Comment on circule d'est en ouest maintenant? Comment on circule d'est en ouest? Oui, comment on traverse? Comment on traverse, à part par la route de la foire, mais bon, plus bas, on veut aussi traverser ces 2 boulevards. Donc, comment on fait? Bien, on prolonge la rue Julien, on en prolonge plusieurs qui existent déjà actuellement dans Limoilou. Et donc, puis c'est par une circulation automobile normale. Automobile, cycliste, piétonne. Donc, il y avait des venelles. On perforait au maximum tout ce qui était les boulevards. Ça devenait un peu comme les boulevards Champlain, là. Et qu'est-ce qui se passe entre les 2 boulevards? Parce que, bon, ils ont élargi. Du coup, là, entre Dorchester et la Couronne, il y a de l'espace. On en fait quoi? Ben, je pense que c'est là que réside le cœur du projet. On l'a mentionné plus tôt. C'était, on avait la réapparition du ruisseau Saint-Michel qu'on a pensé agréable pour justement rendre cette ligne médiane, donc l'espace qu'il y avait entre les deux boulevards, plus intéressant. Pour y imaginer un nouveau quartier. Voilà, des logements qu'on l'appelle le quartier Saint-Michel, c'est vraiment son cœur. Donc, entre chaque boulevard apparaissent des habitations. De part et d'autre de ces habitations-là, on pensait justement introduire le réseau de transport structurant, pour ne pas le nommer, le tramway, qui dans les plans jusqu'en automne passé avait été prévu pour passer sur la rue de la Pointe-aux-Lièvres. Et dans le cœur de notre projet, on voulait un ancrage, quelque chose de structurant. Donc, quoi de mieux que de faire passer le tramway sur ces boulevards-là et puis de capter cette circulation automobile-là en amont dans une station qu'on appelait intermodale où les gens pourraient garer leur voiture et changer de mode de transport, donc d'opter sur de se transporter en tramway, oui. Donc, voilà. On avait les habitations au cœur, deux circulations tramway qui les ceinturaient, inclus dans des bandes végétales, un parc linéaire très agréable pour les piétons, les fameux boulevards, et puis encore là, d'autres habitations qui venaient les encadrer. Donc, on sort du registre de l'autoroute où on est, où il y a du stationnement de part et d'autre, il y a des friches, donc des champs plus ou moins habitables, pour vraiment retrouver un quartier vivant, puis plein d'offres. Mm-hmm. Voilà. Quand vous faites tout ce travail de conception d'un boulevard, est-ce que vous vous inspirez d'expériences qui ont été faites ailleurs, dans d'autres villes, qui doivent rencontrer ce même genre de situation un peu? Ben oui, à Montréal, le boulevard Bonaventure qui est nouvellement ouvert, là, c'est un très bel exemple à même notre province. Il y a également le parc, le Olympic Park à Seattle. Il y a également à Boston, il y a le boulevard qui c'était une ancienne autoroute qui passait en plein cœur de la ville, puis ils ont transformé en boulevard urbain. Donc, on s'est penché beaucoup sur des exemples nord-américains parce qu'on a une très forte croyance pour la voiture. Donc, les meilleurs exemples viennent de chez nous pour essayer de contrer cette emprise-là de l'automobile. Puis, en gros, il y en a d'autres, là, mais c'est les trois principaux. Là. Puis, j'ai cru voir aussi à travers votre document que vous avez été, pour tout ce qui est des espaces un petit peu de jeu ou de sortie à l'extérieur des bâtiments, donc il y a les rues partagées, les Woonerf, quelque chose comme ça, comme ils disent aux Pays-Bas. Oui. Donc, c'est un concept aussi qui vous a inspiré pour créer ces espaces entre les bâtiments. Ouais, voilà, on dit Woonerf, vous avez raison. C'est des rues qui sont nécessairement partagées. Donc, là où la place de l'automobile a été repensée, là où on n'a plus une rue qui est complètement asphaltée, mais disons plus pavée, carrossable, où il y a des aménagements sinueux qui font en sorte que la voiture n'est pas portée à circuler de façon droite, mais plutôt sinueuse. Donc, la circulation est ralentie. Il y a des espaces de jeu qui sont intégrés, des espaces de jeu, de plantation qui sont intégrés à même la rue, à même cette Woonerf-là. Donc, on jugeait tout à fait cohérent de l'insérer dans notre projet, puisque elle est porteuse des mêmes concepts qu'on avait identifié, disons. C'est plus une rue de petit quartier, là, un peu comme les ruelles qu'on a ici, mais c'est une ruelle réinventée qu'on a des Pays-Bas. Ouais, donc maintenant, il va devenir quoi, ce projet? À suivre. On va être le 28 avril prochain dans le conseil de quartier de Limoilou, justement, pour présenter notre projet là, en images. Puis, on a présenté notre dernier jury, on a présenté également, il y a un comité conseil qui nous suivait toute la session. Là, en comité plus, conseil? Il était combien environ? Une dizaine de professionnels de tout domaine. Okay. Donc, économistes, conseillers de la ville, spécialistes en aménagement qui nous ont suivis pendant ce parcours-là, disons. Et puis, c'est ça. Habituellement, un projet d'école, ça meurt un peu après la session, donc c'est fait, les acquis sont là, mais ce qui est le fun dans notre cas, puis dans le cas d'autres aussi, c'est qu'on se permet de le faire rayonner parce qu'il est tellement actuel. Donc, nous voici ce soir. on sera justement au conseil de quartier, puis l'avenir nous dira ce qui en adviendra, mais c'est très intéressant de voir que nos recherches peuvent susciter des conversations et des discussions. Oui, ben le projet a été présenté justement à la Ville de Québec qui était présente en décembre dernier. Donc, ils ont vu notre projet qui trouvait qu'il y avait un fort potentiel. Donc, à voir. Ben, j'espère en tout cas que ce projet va inspirer nos élus. Merci à tous les deux d'être venus au micro de Futur Simple et de nous initier ainsi à l'urbanisme et nous montrer qu'il y a mieux à faire en ville que des autoroutes, on va dire. Nous étions donc en compagnie de Florence Côté et Maxime Tremblay, étudiants à la maîtrise en architecture à l'École d'architecture de l'Université Laval. Merci à vous deux d'être venus au studio. Merci beaucoup.